si Dieu était assez petit pour que nous puissions le comprendre, il ne serait pas assez grand pour être adoré. Dieu Saint, Seigneur, la source de ma joie, car tu es la source de ma force. Ô toi, agneau de Dieu qui est assis à la droite du Père, et ta sainteté nous donne la force, Seigneur. Donc saisir les mystères de ta sainteté et ta grandeur. Mais ce que nous savons de toi, ô Seigneur, tu nous suffis largement pour te rendre un culte agréable. Que ton nom soit élevé, Adonai. Dieu le Saint des Saints, sois glorifié à jamais. L'agneau de Dieu qui est assis à la droite du Père, et sa sainteté nous donne la force. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sa bonté, son amour inonde nos cœurs. Jésus, crois-moi, et tout l'univers est pour toi. Sa force est ta grandeur. pour moi.